Vous écoutez donc Futur Simple sur les ondes de CKRL au 89,1. Et comme François vient de nous le dire, eh bien, on va commencer tout de suite à parler, entrer dans le vif du sujet, parler d'environnement et plus précisément d'empreinte écologique. On ne peut plus nier aujourd'hui, les activités humaines ont un impact sur l'environnement. C'est vrai de l'industrie, c'est vrai de l'agriculture, mais c'est aussi vrai au niveau individuel parce que quand on se déplace, quand on mange ou qu'on magasine, de façon générale, on consomme les produits de l'industrie. Donc nos activités individuelles laissent une empreinte sur l'environnement, c'est l'empreinte écologique. Mais au fond, qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est juste une notion abstraite? Est-ce qu'on peut la calculer? Est-ce qu'on peut mettre des chiffres? Et qu'est-ce que ça veut dire finalement? C'est avec notre chroniqueuse Geneviève Gay qu'on va examiner plus précisément ce qu'est l'empreinte écologique. Bonjour Geneviève. Bonjour Valérie. Alors donc, l'empreinte écologique, c'est quoi? C'est une mesure, en fait. On mesure la quantité de terre et d'eau qui est consommée par une personne. Ça peut être aussi par une entreprise, par une ville ou même par un pays pendant une année, afin que cette personne-là, cette unité-là, ce que cette personne a besoin finalement pour, en termes de nourriture, de biens de service, de logement, d'énergie, puis pour aussi absorber les déchets qui sont produits par toute cette consommation-là. Ouais, est-ce que ça inclut le transport également et les, même les routes, les activités récréatives? Oui, puis même les routes, la surface de terrain qui est occupée par les routes, on est responsable d'une partie de cette... Effectivement, bon. C'est ça, ça s'exprime en hectares globaux. Donc ça, c'est des unités qui ont été standardisées puis en fonction des différences qui existent dans la productivité des écosystèmes où se fait le calcul. L'empreinte se divise en quatre catégories de consommation. Bon, c'est le dioxyde de carbone qui va refléter la consommation d'énergie dans les habitations, les foyers, aussi dans les transports. Mm-hmm. L'alimentation, nos catégories, le logement et aussi les biens et services. Donc, ça va se baser sur les rendements primaires qui sont produits par quatre types d'écosystèmes ou les biomes. Ça veut dire les cultures, les pâturages, les forêts, les pêcheries marines. D'accord. Donc, en gros, c'est la surface dont chaque être humain a besoin pour se nourrir, pour se loger, pour tirer de l'énergie. Tu as parlé du CO2. Est-ce qu'il y a déjà eu une estimation de l'empreinte écologique moyenne? Parce que ça reste quand même un petit peu abstrait, ça. Donc, est-ce qu'il y a une estimation de cette empreinte écologique? Ah, oui. Oui, bien sûr, mais tu parles par personne. On va continuer par personne. D'accord, pour simplifier les choses, nous ramener ça à notre échelle. Donc, selon le Global Footprint Network en 2007, l'empreinte moyenne par personne est pour l'ensemble de la planète est de 2,7 hectares globaux. Ça veut dire que chaque personne consomme 2,7 hectares. A besoin, plutôt, de 2,7 hectares de terre et d'eau pour satisfaire ses besoins. En termes de ressources, c'est ça. Oui, pour satisfaire ses besoins en consommation, mais aussi pour disposer de ses déchets. Oui. Parce qu'on consomme, mais aussi on rend, mais sous forme de déchets. Donc, ça prend de la place. C'est calculé dans cette superficie de 2,7 hectares moyen par personne. Donc, ça ne veut pas nécessairement dire grand-chose en soi. 2,7 hectares, oui, c'est une unité de surface, sauf si on la compare à la superficie de terre et d'eau qui est renouvelable annuellement, c'est-à-dire la biocapacité de la terre. Bon, mais là, on est capable de faire une comparaison, si on veut. Donc, cette superficie renouvelable, elle a été estimée à 1,8 hectares global par personne. Ah oui? Oui. Donc, ça, c'est... Donc, on est au-dessus, là. Oui. C'est ça, on voit tout de suite c'est où ça accroche. Ça signifie qu'on est en train, on a dépassé la capacité biologique de la Terre de presque 50 %. En d'autres mots, au rythme actuel où vont les choses, il nous manque 0,9 hectares par personne. On va épuiser la Terre. On est en train de l'épuiser. Oui, exactement. On vit le crédit. C'est ça. Si on veut prendre une image, pour maintenir les niveaux de consommation actuels, on aurait besoin d'une terre et demie. Si on augmenterait plus notre consommation, on la diminuerait plus, mais on aurait quand même besoin d'une terre et demie. Donc, il manque beaucoup. Mais ça, ce 2,7 hectares, c'est une moyenne. Par personne, c'est une moyenne. Oui. J'imagine que ça dépend un petit peu à quel endroit de la planète on se trouve. Effectivement. Parce que quelqu'un, au Bangladesh ou à New York, ou même nous, ça doit être la même chose. Absolument. T'as raison, c'est une moyenne. Puis on pense que les pays industrialisés laissent une empreinte qui est beaucoup plus forte que des pays en voie de développement. En Afrique, par exemple. Mais en Afrique, oui, c'est ça. Les pays dont aussi que les gens sont plus sédentaires, des choses comme ça, des gens qui utilisent moins les technologies, qui ont moins besoin d'énergie pour se chauffer, ou etc. Ça, on voit tout de suite. Mais juste pour vous donner un exemple où on se situe, nous, dans tout ça, en 2007, toujours, les Émirats arabes unis, c'est eux qui exerçaient la plus forte empreinte écologique au monde. Il y avait 10,7 hectares globaux par personne. Puis, parallèlement, leur biocapacité, autrement dit, leur renouvellement, la capacité de cet endroit-là de se renouveler était très faible, c'est-à-dire 0,85 hectares global. Ah oui, alors ils sont en grosse dette. Ils doivent beaucoup. Ils produisent beaucoup de pétrole, j'imagine que ça vient de là aussi, leur forte empreinte écologique. Oui, oui, oui, exactement. La production de CO2 dans ces pays-là est très, très, très élevée. Là. Donc, le Canada... nous situer, est huitième au monde. On a une empreinte de 7,01 hectares globaux par personne. Sauf que nous, on a une biocapacité de près de 20 hectares globaux. Donc, on est en quelque sorte, on est créditeur envers d'autres pays, comme les Émirats arabes unis qui en ont besoin de notre biocapacité. Ouais, mais on a besoin de leur pétrole. Oui, j'aimerais qu'on en ait un petit peu moins besoin. Ouais. Donc, par exemple, si je veux connaître, ça c'est aussi par des moyennes par pays, là, tu as dit, pour le Canada, c'est 7,01 hectares. Mais ensuite, individuellement, si je veux connaître mon empreinte écologique, savoir comment je me situe même par rapport à cette moyenne, est-ce qu'il y a des façons de calculer? Oui, effectivement, il y a des calculateurs qui ont été conçus depuis 1996, date de la création de ce concept-là. Aujourd'hui, il y en a une grande variété. Donc, moi, personnellement, pour justement savoir de quoi je parlais, j'ai été répondre à des questionnaires. Le premier, qui est disponible sur myfootprint.org, il a été conçu par le Center for a Sustainable Economy. Il y a 27 questions qui sont réparties dans les 4 catégories de consommation. Mm-hmm. Ensuite, je suis allée répondre au quiz du Global Footprint Network. Mm-hmm. Les résultats dans les deux cas étaient quand même assez similaires. Puis je me suis rendu compte que si tout le monde vivait comme moi, ben on aurait besoin de 4,25 terres. Ah! Moi, je me considère comme quelqu'un de sensibilisé, d'assez consciente, d'éco-responsable. C'était assez hostile quand même ton profil. Oui, c'est ça. J'ai eu un choc. Alors, carrément. Oui, c'est vraiment. Et puis, j'imagine que tu n'es pas la seule à être dans cette situation-là. Il y a quand même d'autres personnes qui doivent faire attention puis qui auraient la même surprise. Et à ce moment-là, qu'est-ce que tu t'es dit? Comment on peut faire pour réduire notre empreinte écologique? Oui, la première question que je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de plus de ce que je fais en ce moment? Bon, l'alimentation, par exemple. Bon, il y a des efforts. On se rend compte aujourd'hui, il y a une ouverture. De plus en plus d'efforts qui sont faits par de plus en plus de gens. Parce que l'alimentation responsable est de plus en plus accessible pour tous, même si elle est encore marginale. Mais ça s'en vient. C'est plus accessible. Mm-hmm. Donc, il y a d'autres catégories, comme les transports ou le logement. Il est encore difficile de faire des choix écologiques. Donc, je vous parlais la semaine passée de la certification LEED. Il y a des mesures qui sont évalués qui concernent la réduction de l'empreinte écologique, mais c'est encore tellement embryonnaire comme façon de construire. T'sais. Pratiquement toutes les maisons sur le marché sont ou ont été construites sans considérer les impacts sur l'environnement. Donc, moi, ce que je crois, c'est qu'il faut créer une demande. Mm-hmm. Parce que si la demande en produits et services écologiques augmente, bien là, va s'adapter. C'est vrai. C'est le cas de l'alimentation, les paniers bio, par exemple. Mm-hmm. Il y a de plus en plus de demandes. Les gens aiment ça. Mais c'est ça, mais les bienfaits. C'est pas forcément facile. Il y a presque une file d'attente pour s'inscrire pour avoir un panier bio. Donc, tranquillement, l'offre s'adapte. C'est la même chose pour tous les autres aspects, toutes les autres catégories. Donc, s'il y a une demande de plus en plus forte, là, va s'adapter. Mm-hmm. Mais tu disais tout à l'heure que la moyenne canadienne était de 7. Donc, par personne. Donc, d'après toi, est-ce que dans notre contexte de consommation actuel en Amérique du Nord, est-ce que c'est possible de descendre plus bas quand même? Oui. Comme je vous disais, il y a des petits trucs à faire, des petits achats à faire, changer ses ampoules pour des ampoules plus économiques. Ouais. Bon, mais c'est pas aussi évident que ça. Donc, je vais te ramener au quiz. Nous, au Canada, OK? C'est sûr que le fait qu'on soit au Canada, déjà là, on est un peu perdant, je crois, dans les calculs. Oui, parce qu'on a des grandes distances à franchir, nous, ici. Souvent, c'est le cas. On a vraiment besoin d'utiliser toutes sortes de transports. On va pas toujours à Toronto et à Gaspé, hein? Généralement, on va quoi? Montréal, Québec? C'est pas pire qu'ailleurs. Mais le transport, par exemple, des biens. Oui, mais le transport des personnes y est pour quelque chose. Ici, au Canada, vraiment très, très fort. Mais j'ai quand même voulu me prêter au jeu. J'ai voulu jouer la personne parfaite. Oui. Bon, okay, une personne qui est seule, qui est végétalienne, qui achète localement, qui adopte des habitudes qui sont destinées à réduire sa consommation en eau et en énergie, qui va vivre modestement dans une petite superficie, qui utilise le transport en commun la plupart du temps, puis le covoiturage quand c'est vraiment nécessaire. Bon, Bien, le résultat m'a quand même laissé perplexe, parce que même en faisant le mieux possible dans le contexte nord-américain, une personne comme ça aurait quand même besoin de 1,75 paires pour soutenir son rythme de consommation. Ouais. Et s'il rajoute là-dessus, tu sais, quelqu'un qui a une conscience, une ouverture sur le monde, veut voyager, c'est un peu un voyage en avion par année, mais là, ça grimpe à 2,1 paires un voyage en avion. Ouais. Donc, ça y est, on a dépassé le 1,8, la moyenne mondiale. C'est possible. C'est ça. Il n'y a pas de doute, il va falloir quand même réfléchir à notre façon de consommer. Façon de consommer, exactement. Donc, moi, j'ai constaté que les impacts liés au transport et à l'alimentation sont les plus forts. T'sais. Donc, pour réduire son empreinte carbone, l'utilisation, ça va de soi, l'utilisation du transport vert vient en tête de liste. Prendre le bus, le vélo, éteindre son moteur dès qu'on peut, quand on utilise la voiture, la marche, limiter ses déplacements en avion. Ce sont des exemples qui sont de plus en plus connus. Point de vue alimentaire, ben, le fait de manger local, manger bio, manger saisonnier compte beaucoup, diminuer sa consommation de viande. On considère que la consommation de viande compterait pour environ 18% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, pour réduire son empreinte liée au logement, mais des choix comme des produits de nettoyage biodégradables, bon, etc., réutiliser, recycler, composter, des choses, des trucs comme ça. C'est des choses qu'on a déjà entendues, puis j'espère vraiment qu'on va continuer à les entendre, puis surtout qu'on va les intégrer, qu'on va les assimiler, qu'on va en faire une habitude de vie. Oui, on les comprend. On est dans une étape, je pense, de conscientisation. Sauf que là, on est rendu où il faut créer la demande en produits et services écologiques et les intégrer dans notre mode de vie. Ouais. C'est quelque chose qui se fait quand même assez lentement, mais c'est possible et c'est en train de se faire. Je le remarque en tout cas avec les gens autour de moi. Il y a vraiment une conscience plus ouverte. Mais est-ce qu'il y a quelque chose en amont, par exemple, je veux dire, quand j'achète de l'essence, est-ce que dans l'empreinte écologique, on tient compte du fait que toutes les ressources que ça prend pour fabriquer l'essence, et etc.? Je veux dire, est-ce qu'il y a une pyramide en amont, là, où ça se limite seulement qu'au premier niveau? Non, il y a, c'est, comme tu dis, c'est très, je pourrais dire, c'est des calculs qui sont très techniques, qui sont très matériels, qui malheureusement, dans les calculs, dans l'empreinte écologique, oui, c'est ça. Sauf que, c'est peut-être pour ça que ça donne des résultats aussi gros que ça, malgré un profil quand même assez austère. Mais je veux dire, ben, franchement, le problème est que les calculs seraient plus gros que ça s'ils tenaient compte des droits des hommes, parce qu'ils ne tiennent pas compte des aspects sociaux, des impacts de nos habitudes de consommation. Fait que oui, c'est des gros résultats, mais d'après moi, ils sont un peu biaisés parce qu'ils ne tiennent pas compte de tout ça. Et on pourrait faire le saut, j'ai l'impression, s'ils tenaient compte, s'ils intégraient les aspects sociaux, justice, etc. Ouais. Donc, c'est... Moi, j'ai répondu à ce quiz-là. Je me suis rendu compte de ma propre empreinte écologique, puis je prends conscience finalement qu'il me reste encore bien les habitudes intégrées. Ben, c'est peut-être un exercice que chacun de nous, on devrait faire finalement, prendre notre courage de demain, oser regarder notre vérité en face et calculer notre empreinte écologique. Donc, on lance l'idée et puis peut-être prendre conscience que, ben oui, on en parle de toutes ces choses qu'il faut faire, que tu as mentionnées, mais faisons-les. Oui. Donc, merci beaucoup, Geneviève Gay. On va voir si ça porte fruit. Et puis, en attendant, on va quand même faire notre pause musicale sur CKRL au 89,1.